Et maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les fois où nous avons utilisé « vous », le « vous » de politesse, hein, « usted » en espagnol, comme dans « vous voulez »,« vous pouvez », »,« vous avez », »,« vous allez », pour tous les verbes, la forme utilisée pour le « vous » de politesse est la même que celle utilisée pour la troisième personne du singulier. Hein, pour le « il », « elle » ou « cela », ça, hein, s'il s'agit d'une chose. Ce qui veut dire que vous allez, hein, vous allez faire quelque chose qui se dit « bah » veut dire aussi « il va », « elle va » ou « ça va hein, ». Tout comme la forme « va » de la troisième personne du singulier en français. Donc, encore une fois, « vous allez le faire », c'est « bah hacerlo ». « Va a hacerlo hein ». D'accord. Et « il va le faire hein ». Et je vous rappelle qu'ici, vous n'avez pas besoin de dire « il » en espagnol. Hein, car la terminaison du verbe vous indique de qui on parle. Hein. Alors, « il va le faire ».« Va a hacerlo ». C'est ça, hein, tout à fait. « Va a hacerlo ». C'est la même forme et « elle va le faire ». Va a hacerlo? D'accord, va a hacerlo. Là encore, c'est la même forme. Bon, normalement, si vous dites à quelqu'un « quand allez-vous le faire ?» En espagnol, il n'est pas nécessaire de préciser « usted hein? ».« Cuando va a hacerlo usted ?» Car il est clair que vous vous adressez à ce « vous » à qui vous demandez « quand allez-vous le faire hein? ». Donc, il suffira de dire « Quando va a hacerlo ? Sans préciser usted. Par contre, si vous parlez de quelqu'un d'autre et que vous voulez dire quand va-t-il le faire, ou pour prendre un exemple encore plus simple, où est-il ? Si vous dites juste donde está, cela risque de ne pas être assez clair, car ça pourrait aussi bien vouloir dire où est-elle, où est-ce, voire « Où êtes-vous ?» que « Où est-il ?» Donc, dans ces cas-là, pour éviter toute ambiguïté, vous pouvez préciser sur qui ou quoi porte la question « Donde está ?» Pour reprendre notre exemple précédent, « Cuando va a hacerlo ?» Si vous voulez dire « Quand allez-vous le faire ?» et qu'il y a un risque d'ambiguïté, vous direz alors « Cuando va a hacerlo usted ?» Quand est-ce que vous allez le faire, hein, et dans ces cas, vous précisez « usted ». Si vous voulez dire « quand est-ce qu'il va le faire ?», alors vous direz « cuando va a hacerlo él ?»« Quand est-ce qu'il va le faire hein, ?»« Él », c'est « il ». Ça s'écrit « e » avec un accent aigu, « él ». « E », « él ». « Él ». « Él », c'est donc « il hein, ». À ne pas confondre avec le français « elle ». Qui se dit « ella ». Donc « elle », qui s'écrit tout simplement « e » avec un accent, « elle », c'est « il ». Et « ella », « e », deux « l », « a », c'est « elle ». Le double « l » se prononce « l » en espagnol, hein, « ella ». Donc, je répète, « cuando va a hacerlo él ?» c'est « quand est-ce qu'il va le faire ?» Et « cuando va a hacerlo ella ?» c'est « quand est-ce qu'elle va le faire ? Donc, en fonction du contexte, il vous faudra parfois préciser de qui il s'agit. Alors, pour dire « il va être ici bientôt », ça sera « va estar aquí pronto ». Et si vous voulez préciser que vous parlez de lui, alors vous direz « él ». « Él va estar aquí pronto ». Lui, il va être ici bientôt. Et si vous voulez parler d'elle, ella va estar aquí pronto. Alors, par exemple, si vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez? Usted que quiere? D'accord. Mais usted, ici, ce n'est pas nécessaire parce que, théoriquement, la personne à qui vous adressez la question qu'est-ce que vous voulez, sait qu'elle lui est destinée. Vous parlez directement avec votre interlocuteur, avec cette personne que vous voyez. dont, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préciser « usted ». On dira peut-être « usted » lors d'une première question pour qu'il soit clair qu'on vous voit la personne, qu'on ne la tutoie pas. Mais dans le reste de la conversation, on ne précisera pas « usted » à chaque fois, hein, parce qu'en principe, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez ? Ça sera... Que quiere ? Oui, encore une fois. Que quiere ? Que quiere, hein ? Que quiere ? Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez ? Mais s'il est nécessaire de préciser usted, on le mettra en fin de phrase. Hein ? Que quiere usted ? Donc, sachant que il se met à la fin de la question, hein, comme usted, qu'est-ce qu'il veut ? Se dira. Que quiere él ? C'est ça. Donc, en fait, que quiere peut vouloir dire que voulez-vous, que veut-il ou que veut-elle. Que quiere. Si vous avez besoin de préciser, vous direz que quiere usted pour dire que voulez-vous. Que quiere usted, hein, on met de préférence usted en fin de phrase. Ou que quiere elle pour dire lui, hein, qu'est-ce qu'il veut. Ou elle, que veut-elle. Que quiere? Ella? Ella. Le double L se prononce L. Ella. Ella. Ella. D'accord. Si vous voulez dire qu'est-ce que vous avez? Que tiene? Que tiene. Oui. Et qu'est-ce qu'il a? Que tiene elle? Que tiene elle. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a? Que tiene Ella? Que tiene ella? Mm-hmm. Et si vous voulez éviter toute ambiguïté, si vous voulez dire qu'est-ce que vous avez, ce sera... Que tiene usted? D'accord. Que tiene usted? Mais dans une conversation normale, quand vous vous adressez à quelqu'un et lui dites qu'est-ce que vous avez, que tiene suffit. Par contre, si dans une conversation où vous parlez de lui ou d'elle, et qu'à un moment donné, vous voulez vous adresser à une personne que vous vous voyez, alors vous préciserez usted. Donc, vous ajouterez usted, soit pour préciser de qui il s'agit, afin d'éviter toute ambiguïté, soit comme forme d'insistance. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Hein. En français, vous élevez le ton sur le mot vous. Hein. Qu'est-ce que vous avez ? En espagnol, il vous suffit de préciser usted. ¿Qué tiene usted?